Stella, en latin l'étoile. Je m'étais endormi la nuit près de la grève. Un vent frais m'éveilla. Je sortis de mon rêve. J'ouvris les yeux. Je vis l'étoile du matin. Elle resplendissait au fond du ciel lointain, dans une blancheur molle, infinie et charmante. Aquilon s'enfuyait, emportant la tourmente. L'astre éclatant changeait la nuée en duvet. C'était une clarté qui pensait, qui vivait. Elle apaisait l'écueil où la vague déferle. On croyait voir une âme à travers une perle. Il faisait nuit encore. L'ombre régnait en vain. La nuit s'illuminait d'un sourire divin. La lueur argentait le haut du mât qui penche. Le navire était noir, mais la voile était blanche. Des goélands, debout sur un escarpement, attentifs, contemplaient l'étoile gravement, comme notre céleste est fait d'une étincelle. L'océan, qui ressemble au peuple, allait vers elle et, rugissant tout bas, la regardait briller et semblait avoir peur de la faire envoler. Un ineffable amour emplissait l'étendue. L'herbe verte à mes pieds frissonnait, éperdue. Les oiseaux se parlaient dans les nids. Une fleur qui s'éveillait me dit « C'est l'étoile, ma sœur. » Et pendant qu'à l'ompli, l'ombre levait son voile, j'entendis une voix qui venait de l'étoile et qui disait « Je suis l'astre qui vient d'abord. Je suis celle qu'on croit dans la tombe et qui sort. J'ai lui sur le Sinaï, j'ai lui sur le Tégète. Je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette, comme avec une fronde, au fond noir de la nuit. Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit. Ô nation, je suis la poésie ardente. J'ai brillé sur Moïse et j'ai brillé sur Dante. Le lion océan est amoureux de moi. J'arrive. Levez-vous, vertu, courage, foi. Penseur, esprit, montez sur la tour, sentinelle. Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelle. Terre, émeut le sillon. Vie, éveille le bruit. Debout, vous qui dormez. Car celui qui m'envoie en avant la première, c'est l'ange liberté, c'est le géant lumière.